Brie sur le vif. Écoutez. Alors, c'est à cette heure-là que tu rentres? Mais il n'est pas tard, il est seulement minuit. Tous mes copains ont la permission de rentrer après minuit. Ça m'est égal. Ici, c'est moi qui commande. Je t'ai dit que tu devais être rentré à 10 heures au plus tard. De mon temps, on n'avait pas le droit de sortir le soir. Alors, ne te plains pas. Répétez. Alors, c'est à cette heure-là que tu rentres? Mais il n'est pas tard, il est seulement minuit. Tous mes copains ont la permission de rentrer après minuit. Ça m'est égal. Ici, c'est moi qui commande. Je t'ai dit que tu devais être rentré à 10 heures au plus tard. De mon temps, on n'avait pas le droit de sortir le soir. Alors, ne te plains pas. Écoutez. Monsieur, vous avez été témoin de l'accident? Oui, j'étais sur le pas de ma porte quand c'est arrivé. Alors, comment ça s'est passé? Les enfants sortaient de l'école. Le petit garçon a traversé sans regarder, alors que le feu était vert. Et la 504 arrivait assez vite et n'a pas pu l'éviter. Répétez. Monsieur, vous avez été témoin de l'accident? Oui, j'étais sur le pas de ma porte quand c'est arrivé. Alors, comment ça s'est passé? Les enfants sortaient de l'école. Le petit garçon a traversé sans regarder, alors que le feu était vert. Et la 504 arrivait assez vite et n'a pas pu l'éviter.